David Herbert Lawrence, Couleurs du printemps. Le chemin était plus court en prenant par le bois. Machinalement, Sayson tourna au coin de la forge et souleva la barrière. Le forgeron et son apprenti s'arrêtèrent pour le voir passer. Mais Sayson avait l'air trop distingué pour qu'on l'accoste. Ils restèrent silencieux, le regardant qui traversait le champ dans la direction du bois. Cette matinée était absolument semblable à celle des lumineux printemps, 6 ou 8 ans plus tôt. Des poules blanches ou beiges grattaient encore autour de la barrière, sur le sol tapissé de plumes et de débris. La trouée s'ouvrait toujours entre 2 épais buissons de houx, à la lisière du bois, avec sa barrière qu'il fallait escalader pour entrer sous le couvert, la peinture toujours rayée par les semelles cloutées du garde. Il se retrouvait dans l'éternel. Sayson se sentait extraordinairement heureux. Comme un fantôme errant, il était revenu au pays de son passé, et il le trouvait, toujours le même, qui l'attendait. Comme autrefois, les noisetiers le saluaient de leurs joyeuses petites mains, les clochettes du même bleu lavé étaient clairsemées parmi l'herbe grasse à l'ombre des buissons. Le chemin serpentait mollement à travers bois, sur la crête d'une pente, bordée de noyers hérissés de ramilles qui commençaient à semer leur or. Sur le sol s'ouvraient des pâquerettes, des nappes d'anémones, des jacinthes en touffe. Les 2 arbres tombés barraient toujours le chemin. Sayson dévala une pente escarpée et se retrouva devant le pays découvert, cette fois sur le versant du nord, à travers une grande baie qui semblait s'ouvrir entre les arbres. Il s'arrêta pour regarder les champs de la colline d'en face, et le village éparpillé sur le paysage nu, comme versé là au passage par le char du dieu de l'industrie, et oublié ensuite. Une petite église neuve, raide et grise, et des groupes de maisons rouges semées au hasard. À l'arrière-plan brillaient les chevalements métalliques de la mine, en avant de la silhouette brumeuse de la colline en exploitation. Tout était nu, découvert, pas un arbre. Rien n'avait changé. Sayson repartit, satisfait, et joignit le sentier qui redescendait à travers bois. Il était singulièrement exalté. Il vivait un rêve concret, une hallucination stable. Tout à coup, il s'arrêta. Un garde était debout à quelques pas de lui, au milieu du chemin. « Où allez-vous par là, monsieur ? » demanda-t-il. Il y avait une nuance de défi dans sa question. Sayson l'observait d'un regard impersonnel mais aigu. 24 ou 25 ans, le teint vermeil, bien découplé. « Où est Nailor ? C'est vous qui l'avez remplacé ? » demanda Sayson. « Vous n'êtes pas du château ? Sans qui le garde ? » « Non, c'était impossible. Il n'y avait personne pour l'instant. »« Non, je ne suis pas du château, » répondit l'autre, que cette idée semblait amuser. « Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites ici ? » dit le garde d'un ton piqué. « Ce que je fais ici ? » répéta Sayson. « Je vais à la ferme de Willie Water. » « Ce n'est pas le chemin. » « Je pense que si. » En bas du sentier, on dépasse le puits et on sort par la barrière blanche. Ce n'est pas le chemin public. Peut-être bien. Je passais si souvent par ici du temps de Nailor. J'ai oublié. Au fait, qu'est-il devenu ? Tout à fait infirme, les rhumatismes, répondit le garde d'un ton bourru. Oh, vraiment, le pauvre! S'exclama Sayson, peiné. Et vous, qui êtes-vous donc? Demanda le garde d'une voix plus aimable. John Adderley Sayson, j'habitais Courty Lane. L'amoureux de Hilda Millership? Dans les yeux de Sayson passa un petit sourire triste. Il fit oui de la tête. Il y eut un silence embarrassé. Et vous, qui êtes-vous? Demanda Sayson. Je m'appelle Arthur Pilbeam. Nailor est mon oncle, dit l'autre. Vous habitez ici, à Nuttall? J'habite chez mon oncle. Je vois. Vous avez dit que vous descendiez à Willowater? Demanda le garde. Il y eut une pause de quelques instants, puis le garde lâcha brusquement. C'est moi qui courtise Hilda Millership. Le jeune homme regardait l'intrus avec une expression de défiance têtue, presque pathétique. Sayson ouvrait sur lui des yeux neufs. « C'est vrai ? » demanda-t-il étonné. Le garde rougit fortement. « Nous nous fréquentons tous les deux, » dit-il. « Je ne savais pas, » dit Sayson. L'autre semblait attendre, tout embarrassé. « Alors, c'est une chose décidée ?» demanda le nouveau venu. « Comment décider ?» répliqua l'autre maussade. « Eh bien oui, allez-vous vous marier bientôt ?» Le garde le regarda fixement quelques instants, comme paralysé. « Je pense, oui, » dit-il d'un ton colère. « Ah !» Sayson l'épiait étroitement. « Je suis marié moi-même, » ajouta-t-il après un moment. « C'est vrai ?» dit l'autre, incrédule. Sayson eut son grand rire éclatant, sans gaieté. « Depuis 15 mois, » dit-il. Le garde fixait sur lui de grands yeux interrogateurs. Visiblement, son cerveau travaillait et il essayait de tirer les choses au clair. « Quoi, vous ne le saviez pas ?» demanda Sayson. « Non, » dit l'autre bourru. Il y eut un silence. « Eh bien, » dit Sayson, « je continue. Je pense que je le peux. » Le garde n'avait pas quitté son attitude de silencieuse opposition. Les deux hommes restaient hésitants, au milieu de la clairière herbeuse, entourée de gerbes de grosses clochettes bleues, ouvertes comme un balcon au flanc de la colline. Sayson fit quelques pas, indécis, puis s'arrêta. « Comme c'est beau !» s'écria-t-il. Maintenant, il avait devant lui toute la pente en enfilade. Le chemin coulait à ses pieds comme un ruisseau de clochettes bleues, partagé au centre d'une ligne verte, sinueuse, où marchait le garde. Cela déferlait sur des écueils d'azur, le long des berges, puis le fil vert serpentait dans des nappes de clochettes, comme un courant venu des glaciers au travers des lacs bleus. Et, sous les nuages pourprés des buissons en bourgeons, ce brouillard bleu flottait, ainsi qu'une inondation fleurie dans le sous-bois. « C'est vraiment exquis !» s'exclamait Sayson. C'était son passé, le pays qu'il avait quitté, et cela lui faisait mal de le voir si beau. Des ramiers roucoulaient dans les arbres et l'air vibrait de chants d'oiseaux. Si vous êtes marié, pourquoi continuez-vous à lui écrire et à lui envoyer des livres, des poésies et tout ça? Demanda le garde. Sayson le regarda, pris de court, gêné. Puis il sourit. Eh bien, dit-il, je n'avais pas entendu parler de vous. Encore une fois, le garde rougit violemment. « Mais puisque vous êtes marié, » plaida-t-il. « En effet, je le suis, » répondit l'autre cyniquement. Alors, les yeux sur le merveilleux sentier bleu, Sayson fut envahi d'humiliation. Quel droit ai-je de m'accrocher à elle ? Pensa-t-il amèrement, plein de mépris pour lui-même. Elle sait que je suis marié, dit-il. Mais vous continuez à lui envoyer des livres, dit le garde, une pointe de défi dans la voix. Saïsson, réduite au silence, eut sur l'autre homme un regard bizarre, nuancé de piété. Puis il tourna les talons. « Bonjour, dit-il. » Il reprit sa route, maintenant tout l'irrité. Ses deux saules, l'un tout or, parfum et murmure, l'autre aux ramilles argentées, lui rappelèrent que là il lui avait parlé de la fécondation des fleurs. Comme il avait été idiot! Quelle ridicule folie, toute cette histoire! Bon, se dit-il, le pauvre diable semble m'avoir gardé rancune. Je ferai ce que je pourrai pour lui. Il ricanait tout seul, de très mauvaise humeur. La ferme était à moins de 100 yards de la lisière du bois. La rangée d'arbres formait le quatrième côté d'un clos rectangulaire. La maison faisait face au bois. Assailli de 1000 émotions confuses, Saïsson remarqua, sous la pluie de fleurs de prunier, les couleurs vives des primes verts qu'il avait plantées lui-même. Comme elles s'étaient multipliées! C'était d'épaisses touffes écarlates, rouges pâles et roses sous les pruniers. Il s'aperçut qu'on l'observait de la fenêtre de la cuisine, et un bruit de voix d'homme l'atteignit. La porte s'ouvrit tout d'un coup. Comme elle était devenue belle, il se sentit pâlir. « Vous, Adi ? » s'écria-t-elle, et elle resta sans mouvement. « Qui est-ce ? » appela la voix du fermier. Maintenant qu'elle était 6 femmes, Hilda était très imposante. Il était mal à l'aise devant elle. Sa parole nette et brève, son allure distante, était nouvelle pour lui. Il se reprit à admirer ses sourcils, d'un noir doux, et ses cils. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans le noir argenté de son beau regard calme, il aperçut une lueur bizarre, peut-être des larmes, et, tout au fond, la tranquille acceptation d'elle-même et comme un triomphe sur lui. Son cœur se serra. Avec effort, il s'accrocha au ton du badinage. Elle l'envoya au salon pendant qu'elle lavait la vaisselle. La longue pièce au plafond bas avait été remeublée après la vente de l'abbaye, avec des chaises recouvertes de reps rouges très usées, une table ovale de noyer ciré et un nouveau piano, assez beau mais d'un modèle démodé. Cela lui plut, quoique étranger à ses souvenirs. En ouvrant un placard pris dans l'épaisseur du mur, il le trouva plein de ses livres, ses vieux livres de classe et des volumes de vers anglais et allemands qu'il lui avait envoyés. Les jonquilles dans les jardinières des fenêtres brillaient à travers la pièce, la remplissaient d'un rayonnement qu'il sentait presque physiquement. L'ancien enchantement l'avait repris. Il ne songeait plus à faire la grimace devant les aquarelles de sa jeunesse pendues au mur. Il se souvenait seulement de la ferveur avec laquelle il peignait, pour elle, 12 ans auparavant. Elle entra, finissant d'essuyer un plat, et il vit la splendeur de ses bras, blancs comme la chair des amandes. « C'est vraiment bien arrangé ici, » dit-il, et leurs yeux se rencontrèrent. « Cela vous plaît ? » demanda-t-elle. C'était le timbre ancien de leur intimité, bas et couvert. Son sang changea subitement d'allure. C'était l'exquise magie retrouvée, cet affinement, cette sublimation de lui-même, comme une libération de son esprit le plus intime. « Oui, » dit-il, avec son sourire adolescent retrouvé. Elle inclina la tête. « C'était le fauteuil de la comtesse, » dit-elle à voix basse. « J'ai retrouvé ces ciseaux là, sous le capitonnage. » « Pas possible. Où sont-ils ? » Prest, tournant joyeusement sur elle-même, elle alla chercher sa corbeille à ouvrage, et ils s'examinèrent ensemble les vieux ciseaux aux longues tiges. « Une vraie balade des neiges d'antan, » dit-il en riant, glissant ses doigts dans les anneaux ronds. « Je savais bien que vous pourriez vous en servir, » dit-elle triomphalement. Elle savait ses doigts assez minces pour les frêles anneaux. « C'est toujours ça en ma faveur, » dit-il avec un rire en posant les ciseaux. Elle se tourna vers la fenêtre. Il observa la belle courbe suave de sa joue, sa lèvre et son cou lisse, blanc comme le cœur de la fleur d'ortie, et ses avant-bras qui luisaient comme les amandes fraîchement émondées. Il la voyait avec des yeux neufs. Elle était pour lui quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait pas. Maintenant, il pouvait la regarder objectivement. « Si nous faisions un petit tour, » proposa-t-elle. « Bien sûr, » dit-il. Mais une impression de crainte dominait la douce agitation et la perplexité de son cœur. Il avait peur en la revoyant ainsi. C'était toujours sa même manière d'être, la même inflexion dans sa voix, mais elle n'était pas ce qu'il avait cru. Il se souvenait parfaitement de ce qu'elle avait été pour lui. Et, peu à peu, il s'apercevait qu'elle était une autre et qu'elle l'avait toujours été. Elle resta tête nue, enleva seulement son tablier et dit « Allons vers les sapins ». En traversant le vieux verger, elle l'appela pour lui montrer un nid de mésange dans un pommier et un de fauvette dans la haie. Il s'étonnait de son assurance et d'une certaine dureté qui ressemblait à de l'arrogance masquée d'humilité. « Regardez les petites pommes, » dit-elle, et il vit des myriades de petites boules rouges parmi les branches tombantes. Elle l'observait et son regard durcit. Elle voyait que les écailles lui étaient tombées des yeux et que le moment était venu où il allait la voir telle qu'elle était. C'était tout ensemble ce qu'elle avait craint le plus au monde et voulu le plus énergiquement, pour son propre bien. Maintenant il la verrait dans sa vérité. Il ne pourrait plus l'aimer. Et il saurait qu'il ne l'avait jamais aimée. L'ancienne illusion dissipée, ils devenaient des étrangers, définitivement. Mais avant il lui paierait cela, elle voulait avoir son dû. Elle était plus animée que jamais. Elle lui montrait des nids, un nid de roitelet dans un buisson bas. « Regardez ce nid de rouget !» s'écria-t-elle. Il fut surpris de l'entendre employer le nom local. Elle tâtonna avec précaution à travers les épines et mit son doigt dans la petite porte ronde. « 5 !» s'écria-t-elle. « 5 tout petits !» Elle lui montra des nids de rouge-gorge, de loriot, de pinsons et de linottes, un de bergeronnette près du ruisseau. « Et si nous descendons plus bas ?» « Je crois bien qu'il y en a un de Martin Pêcheur. »« Dans les petits sapins, il y a des nids de grives et de merles, presque à chaque arbre. »« Le premier jour que je les ai vus, il me semblait que je n'avais plus le droit de me promener dans le bois. »« C'était comme une ville d'oiseaux. »« Et le matin, ils jacassaient. On aurait dit le bruit du marché. »« J'avais presque peur d'aller dans mon bois. » Elle parlait le langage qu'ils avaient inventé ensemble. Maintenant, il lui appartenait à elle toute seule. Pour lui, c'était fini. Elle le laissa à son silence, mais continua à le conduire, à lui faire visiter ses bois. Il suivait un sentier humide où des myosotis s'ouvraient en coussins veloutés et bleus. « On connaît tous les oiseaux, » dit-elle, « mais il y a beaucoup de fleurs qu'on ne connaît pas. » Il y eut une pause pendant laquelle il réfléchit. Le sentier était obscur, sans herbes ni fleurs. Ses talons s'enfonçaient dans une argile molle. Très lentement, elle dit « Je me suis mariée le même jour que vous. » Il la regarda. « Pas officiellement, bien sûr, » dit-elle, « mais réellement ?»« Avec le garde ?» demanda-t-il, ne sachant que dire d'autre. Elle se tourna vers lui. « Vous pensiez que je n'oserais pas ?» dit-elle. Mais, en dépit de son assurance, une rougeur inondait ses joues et sa gorge. Saïsson restait muet. Elle s'efforça de lui expliquer. « Voyez-vous, j'ai fini par comprendre, moi aussi. »« Et qu'avez-vous fini par comprendre ?»« Bien des choses, pas vous, » répliqua-t-elle. « Chacun est libre. »« Et vous n'êtes pas déçu ?»« Oh non !» Son accent était profond et sincère. « Vous l'aimez ?»« Oui, je l'aime. »« C'est très bien, » dit-il. Elle resta interdite quelques moments. « Ici, dans son domaine, je l'aime, » reprit-elle. Il eut un cri de vanité masculine. « Alors il vous faut une mise en scène ?» demanda-t-il. « Oui, » cria-t-elle. Vous m'avez toujours empêché d'être moi-même. Mais est-ce donc une question d'atmosphère ? Il l'avait cru toute âme. Je suis comme une plante qui ne pousse que dans son propre sol, répondit-elle. Ils arrivaient à un endroit où le taillis disparaissait, faisant place à un espace brun, uni, où s'élevaient les fûts rouges briques ou pourpres des pins. Plus loin, les banderoles des fougères, à demi déroulées, brillaient sous le vert sombre des vieux arbres avec leurs fleurs en boutons plats. Au milieu de l'espace découvert s'élevait une cabane forestière, faite de troncs, entourée de cages à faisans, les unes vides, les autres habitées d'une poule gémissante. Sur le tapis brun d'aiguilles de pin, Hilda se dirigea vers la cabane. Elle prit une clé sous le bord du toit et ouvrit la porte. Ils virent une pièce nue, toute en bois, avec un établi de menuisier, un étau, des outils, une hache dans un coin, des pièges, des collets rangés le long de la cloison, des pots cloués, tout très en ordre. Hilda ferma la porte. Saïsson regardait les formes étranges des peaux d'animaux sauvages, aplaties, fixées sur des planches pour être préparées. Hilda toucha une cheville dans la cloison qui s'ouvrit sur une autre petite pièce. « Comme c'est romanesque, » dit Saïsson. « Oui, il est très bizarre. Il a un peu le flair d'une bête des bois, dans le bon sens du mot. » Et il a des idées, de l'imagination même, jusqu'à un certain point. Elle tira un rideau vert foncé. La chambre était presque entièrement occupée par un large lit de bruyères et de fougères sèches, recouvert d'une ample couverture de peau de lièvre. Sur le sol étaient étendus de petits tapis de peau de chat travaillés en mosaïque et une peau de veau aux reflets roux. D'autres fourrures pendaient au mur. Hilda en décrocha une qu'elle mit sur son dos. C'était une sorte de pèlerine de lapin et de fourrure blanche, avec un capuchon, probablement fait de la robe d'été des Hermines. Du fond de ce manteau barbare, elle rit à Saïson en disant « Qu'en pensez-vous ? » « Eh bien, mes compliments à votre homme, » répondit-il. « Et regardez, » reprit-elle. Sur un rayon, dans une petite cruche vernie, trempaient les brins frêles et blancs du premier chèvrefeuille. « Ils parfumeront la chambre ce soir, » dit-elle. Saïson regarda curieusement autour de lui. « Que lui manque-t-il donc alors ? » dit-il. Elle le fixa quelques instants, puis, détournant la tête, « Avec lui, les étoiles ne sont pas les mêmes, » dit-elle. « Vous, vous saviez les faire scintiller, flamboyer dans le ciel, et les myosotis étincelaient comme des soleils. Avec vous, les choses étaient merveilleuses. Mais maintenant, elles sont à moi toutes seules, je ne les partage plus avec personne. » Il rit en disant « Après tout, les étoiles et les myosotis, c'est du luxe. Vous devriez faire des vers. » « C'est vrai, » dit-elle, « mais maintenant tout ça est à moi. » Il rit encore amèrement. Elle se retourna d'un trait. Lui s'appuyait au rebord de la fenêtre, au fond de la pièce étroite et sombre. Elle était debout dans l'embrasure de la porte, toujours enveloppée dans son manteau. Il était tête nue. Sa figure et la forme de sa tête se détachaient clairement dans la chambre obscure. Ses cheveux lisses luisaient, brossés en arrière, et au bas de sa figure, au teint uni, clair, couleur d'ivoire, ses lèvres tremblaient. « Nous sommes très différents, » dit-elle amèrement. De nouveau, il rit. « Je vois que je vous déplais, » dit-il. « Ce qui me déplaît, c'est ce que vous êtes devenu, » dit-elle. Il désigna des yeux la cabane. « Croyez-vous que nous aurions pu vivre ainsi, vous et moi ?» Elle secoua la tête. « Vous ? Jamais de la vie ? Vous, vous preniez les choses une à une, jusqu'à ce que vous en ayez pressé tout le jus, puis vous les jetiez. « C'est vrai, » dit-il. « Et n'auriez-vous pas pu faire comme moi ? Non, je ne crois pas. Comment l'aurais-je pu ? J'ai une existence propre. » « Mais il peut arriver que deux êtres pensent exactement de même, » dit-il. « Vous avez voulu m'arracher à moi-même, » dit Hilda. Il savait bien qu'il s'était trompé sur elle, qu'il l'avait prise pour ce qu'elle n'était pas. C'était sa faute à lui, pas à elle. « Et vous ne vous en étiez pas aperçu ? » demanda-t-il. « Non, vous ne me l'avez jamais permis. Vous m'aviez mise en esclavage. J'ai été soulagée à votre départ, franchement. » « Je le savais, » dit-il, mais sa figure avait encore pâli, elle était d'une transparence mortelle. « Pourtant, » dit-il, « c'est vous qui m'avez dirigé vers le chemin que j'ai pris. »« Moi ? » s'exclama-t-elle avec orgueil. « Vous qui avez voulu que j'aille au collège, qui m'avez poussé à exploiter l'attachement de chien fidèle du pauvre petit Bottel, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se passer de moi, tout cela parce que sa famille était riche et bien posée. Cela a été votre triomphe quand son père m'a offert d'aller à Cambridge pour tenir compagnie à son fils unique. Vous aviez une terrible ambition pour moi, et toujours vous m'avez éloigné de vous. Chaque nouveau succès dressait un mur entre nous, et plus encore de votre point de vue que du mien. Vous n'avez jamais éprouvé le besoin de me suivre. Vous vouliez seulement voir ce que ça deviendrait. Ma parole, je crois que vous avez souhaité me voir épouser une jeune fille du monde. Vous avez voulu remporter une victoire sur la société, en ma personne. » « Et c'est moi qui suis responsable, » dit-elle sarcastique. « Je me suis distinguée pour vous satisfaire, » répliqua-t-il. « Ah ! » cria-t-elle, « vous vouliez toujours du nouveau, comme un enfant. » « Évidemment, et j'ai réussi, je le sais, je suis ce qui s'appelle quelqu'un. Mais je ne vous croyais pas ainsi. Pourquoi avez-vous pris cet homme ?»« Qu'est-ce que vous dites ? » dit-elle avec de grands yeux épouvantés. Il lui rendit un regard acéré. « Rien du tout, » dit-il avec un rire bref. Le loquet extérieur grinça et le garde entra dans la cabane. La femme regarda de ce côté, mais resta immobile, dans sa fourrure, debout devant la porte. Sison n'avait pas bougé. L'autre homme entra dans la pièce, les vit et tourna les talons sans un mot. Les deux autres aussi se taisaient. Bilbim se pencha sur ses peaux. « Je vais m'en aller, » dit Sison. « Oui, » répondit-elle. Il leva la main comme pour un serment. « À nos destins, vastes et changeants, » répéta-t-elle gravement, d'un ton de voix neutre. Arthur, dit-elle. Le garde fit semblant de ne pas entendre. Sison, qui l'observait attentivement, esquissa un sourire. La femme se redressa. Arthur, répéta-t-elle sur un registre aigu, si singulier que les deux hommes comprirent la gravité de la crise au bord de laquelle tremblait cette âme. Le garde posa tranquillement son outil et vint vers elle. « Voilà, » dit-il. « Je voulais vous présenter, » dit-elle tremblante. « Nous nous sommes déjà rencontrés, » dit le garde. « Ah oui, c'est Eddie Sison dont vous avez entendu parler. Voici Arthur Pilbeam, » ajouta-t-elle, en se tournant vers Sison. Celui-ci tendit la main au garde qui la serra en silence. « Je suis heureux de vous connaître, » dit Sison. « Nous arrêtons notre correspondance, Hilda. »« Pourquoi donc ? » répondit-elle. Les deux hommes restèrent interdits. « Vous ne croyez pas ? » dit Sison. Elle resta muette un long moment. À la fin, elle dit « C'est comme vous voudrez. » Ils s'en allèrent tous les trois dans le chemin ombreux. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir, cita Sison qui ne savait que dire. « Que voulez-vous dire ? » dit-elle. « D'ailleurs, nous n'avons pas à regretter notre blé en herbe. Nous ne l'avons jamais mangé. » Sison la regarda. Il était bouleversé de voir son jeune amour, sa madone, son ange de Botticelli, se révéler ainsi. C'est lui qui avait été un fou. Ils étaient plus loin l'un de l'autre que les habitants des deux pôles. Elle ne désirait plus que rester en rapport épistolaire avec lui, et lui aussi le voulait bien entendu. Ainsi, il pourrait lui écrire, comme à une Béatrice irréelle, sans autre existence que celle de la chimère la plus chère de son esprit. Au bas du sentier, elle lui dit adieu. Il continua avec le garde, jusqu'au champ, à la porte d'accès du bois. Les deux hommes marchaient côte à côte, presque comme des amis, parlant de choses et d'autres. Au lieu d'aller tout droit à la barrière de la route, Sison suivit la lisière du bois, où le ruisseau s'élargissait en un petit marécage. Sous les aunes, le long des roseaux, les soucis étincelaient en constellations jaunes. Des filets d'eau brune ruisselaient çà et là, soulignés de fleurs d'or. Tout à coup, un éclair bleu traversa le ciel, le passage d'un martin pêcheur. Saïsson restait étrangement ému. Il grimpa jusqu'au buisson d'ajon, dont les étincelles dorées ne s'étaient pas encore allumées en flammes. Étendu sur le sol sec et brun, il découvrit des brindilles de forbes rouges et des taches roses d'herbe au pou. Quel merveilleux univers que celui-là, inouï, toujours nouveau. Mais cette beauté, il ne la sentait plus que lointaine, elle devenait distante et vague comme les prés d'asphodèle des Champs-Élysées. Au fond de sa poitrine, il sentait une douleur, comme celle d'une blessure. Il savait maintenant que rien de tout cela n'avait existé, entre elle et lui, pas un seul instant. Tout le temps, ils étaient restés en dehors de la vérité. Saïsson se leva pour partir. L'air était plein de cris d'alouette, comme si le soleil se fondait en une averse d'or. Sur ce bruit léger, des voix se détachaient, faibles mais distinctes. « Mais puisqu'il est marié et prêt à interrompre tout ça, qu'est-ce que tu avais contre ?» disait la voix de l'homme. « Je ne veux pas en parler pour le moment. J'ai besoin d'être seul. » Saïsson regarda à travers les ajoncs. Hilda se tenait près de la barrière, dans le bois. L'homme, dans le champ, musait le long de la haie, taquinant des abeilles qui butinaient sur les fleurs des ronces. Tout à coup, le garde s'exclama en jurant. Il attrapa le manche de son vêtement près de l'épaule. Puis il arracha sa jaquette, la jeta par terre, et d'un air absorbé, roula sa manche de chemise jusqu'à l'épaule. « Bon sang !» dit-il furieux, en levant une abeille et la jetant au loin. Puis, tordant son bras qui brillait au soleil, il regarda maladroitement par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Hilda. « Une abeille qui a grimpé dans ma manche !» répondit-il. « Viens ici, » dit-elle. Il alla vers elle comme un enfant maussade. Elle prit le bras dans ses deux mains. « Voilà, et l'aiguillon est resté dedans, pauvre abeille !» Elle enleva l'aiguillon, mit sa bouche sur la plaie et suça la goutte de venin. En voyant la marque écarlate, elle dit en riant « Voilà le baiser le plus rouge que tu auras de ta vie !» Quand Saïsson les regarda de nouveau, entendant les voix qui reprenaient, il les aperçut dans l'ombre, la bouche de l'homme sur le cou de sa bien-aimée. Elle, la tête renversée, ses cheveux défaits en une grosse corde sombre en travers du bras dénudé. « Non, répondait-elle, quelle idée ! Je ne suis pas bouleversée parce qu'il est parti. Tu ne peux pas comprendre. » Saïsson ne put distinguer la réponse de l'homme. Hilda reprit d'une voix nette et claire. « Tu sais que je t'aime. Il est complètement sorti de ma vie. Ne te tracasse pas de lui. » Il l'embrassa dans un murmure. Elle eut un rire faux. « Oui, dit-elle conciliante, nous nous marierons, bien sûr, mais pas tout de suite. » Il lui parla de nouveau. Saïsson n'entendit plus rien. Puis elle dit « Rentrez chez vous maintenant, chérie. Tout cela vous agite trop. » Cette fois encore, il put entendre le son de la voix du garde altérée par la passion et la crainte. « Mais pourquoi nous marier tout de suite ? » reprit-elle. « Qu'aurez-vous de plus ? C'est bien plus beau ainsi. » Enfin, le garde ramassa sa veste et s'en alla. Elle resta à la barrière, sans le suivre des yeux, le regard perdu sur la campagne ensoleillée. Quand elle se fut décidée à partir, Saïsson se leva et reprit le chemin de la ville.